Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais vous raconter aujourd'hui la grande histoire du groupe Village People. Alors, le nom du groupe, c'est une référence directe à Greenwich Village, parce que les New-Yorkais surnomment ce quartier The Village. C'est un lieu aussi où le groupe a été fondé et qui compte également une grande communauté gay. Les thèmes des chansons et le style du groupe, notamment vestimentaire, font des Village People un symbole du mouvement gay à l'époque, bien sûr. Pour se rappeler les années 70. Le groupe, il est produit par deux Français, Jacques Morali et Henri Belolo. Alors que les producteurs français représentants de la vague disco enregistrent en 1977 l'album African Queen de The Ritchie Family à New York, l'arrangeur Horace Ott leur suggère Victor Willis pour ajouter des chœurs. Victor Willis, jouait The Wiz à Broadway, c'était une comédie musicale, et il s'est révélé si bon en studio pour Henri Belolo et Jacques Morali, qu'ils vont lui proposer d'être le chanteur principal de quatre nouvelles chansons d'un tout nouveau projet. L'album 1977, avec des choristes de studio, et puis notamment San Francisco, il est demandé au groupe d'apparaître à la télévision et en concert. Celui-ci est cependant réduit à l'époque, au seul Victor Willis. C'est embêtant pour se produire en direct. Hein. Alors, avec Felipe Rose, un danseur rencontré dans les rues de Greenwich Village, il avait un costume d'Indien, donc c'est ce qui a attiré l'attention. Les producteurs ont l'idée de constituer un groupe réunissant les clichés masculins les plus appréciés dans le monde gay et inspiré de l'œuvre de Tom of Finland, l'icône gay de l'époque. Victor Willis, il va inviter Alex Braille pour en discuter. Ils font ensuite appel à Mark Musler, c'est l'ouvrier, vous savez, celui avec le casque. Dave Forrest, c'est le cow-boy. Lee Mouton, c'est l'homme en cuir, ça tombe bien. Elles peuvent enfin se produire à la télévision et réaliser le premier clip San Francisco. Henri Bellelot raconte la genèse du groupe. J'étais à New York avec mon associé Jacques Morali. On se baladait dans le quartier du village et on a vu un Indien jouer des cloches dans la rue. Intrigué, on l'a suivi dans un bar où il était serveur et faisait un numéro de disco toutes les 20 minutes. Parmi les clients, était attablé un type avec un chapeau de cow-boy. Ce fut le déclic, créer un groupe avec tous les stéréotypes du mal américain. Henri Bellelot et Jacques Morali vont publier alors cette annonce. Macho types want for world famous disco groups must dance and have a mustache. Recherchons des machos pour un groupe mondialement célèbre, savoir danser et porter la moustache. Randy Jones, Glenn Hughes et David Hodo sont choisis lors des auditions. Enchaînera de nombreux hits durant la période. YMCA, Macho Man, Go West, Can't Stop the Music, San Francisco, In the Navy. L'US Navy a utilisé la chanson In the Navy comme outil de promotion, vous le saviez sans doute. Elle a aussi mis à disposition du groupe un destroyer, plusieurs avions et des centaines de marines sur un bateau lors du tournage de la vidéo à San Diego. À la sortie du clip, couplé à une campagne publicitaire de l'US Navy, de nombreux journaux américains vont protester contre l'utilisation des fonds publics et la mobilisation de tels moyens pour sa réalisation. Mais alors, ça sera tout bénef parce que le scandale va accroître encore la notoriété du groupe ainsi que la chanson. En 1981, Randy Jones, le cowboy, va quitter le groupe pour se consacrer à sa carrière solo. Il va laisser la place à Jeff Olson. Randy Jones, Hard Time, pour ceux qui écoutent l'émission régulièrement, vous devez vous en rappeler. Victor Willis, lui, il a quitté le groupe depuis 1979. La popularité des Village People est telle qu'à l'orée des années 80, leurs membres font s'offrir à un film, You Can't Stop the Music. Alors, le long métrage, il est réalisé par Nancy Walker, dans lequel jouent également Steve Guttenberg, Valérie Perrin, Paul Sand et Bruce Jenner. Il est aussitôt récompensé par le prix du pire film et du pire scénario lors des Golden Raspberry Awards. Ça veut dire que la qualité du film n'était pas trop au rendez-vous. We'll be right back. Constatant le déclin de la mode disco, les producteurs tentent alors de réorienter le groupe. Maquillage théâtraux pour rejoindre la mode des nouveaux romantiques, musique rock, voire carrément punk. L'album, censé symboliser ce nouveau départ, Renaissance, est en fait une impasse. Le groupe va redevenir à la formule qui a fait son succès, c'est-à-dire l'imagerie macho gay, en modernisant un peu sa musique avec l'adjonction d'instruments électroniques. Do you wanna spend the night? Mais les années de gloire sont derrière eux. Le groupe va faire une pause en 1986 avant de fonder sa propre maison de production pour réaliser des tournées. Le dernier album de chansons originales est sorti en 1985. C'était Sex Over the Phone. Et si le groupe y continue d'exister avec de nombreux changements de membres, il ne joue plus que sur la nostalgie et la gloire du temps passé. Glenn Hughes, le moteur de la première heure, est mort le 15 mars 2001 à l'âge de 50 ans. En plus d'être l'un des chanteurs du groupe, il était à la tête de la compagnie Village People, qui sillonnait l'Amérique avec un spectacle disco à la hauteur des revues de Broadway. Malade depuis plusieurs années, le chanteur avait quitté le groupe en 1995. Voilà, la saga est terminée. Je vous laisse sur Ready for the 80s, Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.